Les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un ont été rapportées du 28 au 31 juillet dans divers pays et régions. L'agence de presse cubaine Prensa Latina, la télévision de Myanmar, l'homepage internet du forum allemand anti-impérialiste Nouvelles des inspections et l'homepage internet du comité national nigérien d'études de kimilsunisme Kim Jong-lisme, de l'association d'amitié Baek-Tusan-Tchèque-Corée et du comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen séjournant en Nigeria, ont présenté la visite du dirigeant suprême Kim Jong-un au cimetière des martyrs de la guerre de libération de la patrie à l'occasion du 64e anniversaire de la victoire dans la guerre de libération de la patrie avec les commandants de l'armée populaire de Corée pour rendre hommage aux martyrs. Les sites internet ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.